Eh bien, merci d'être venu. Je suis un peu désolé de la disposition de la salle. On ne pouvait pas bouger. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse quelque chose de plus circulaire. Mais bon, déjà, je ne me suis pas mis là derrière. J'aurais eu l'impression d'être derrière une sorte de truc défensif. Je me propose de vous parler de la question animale en tant que question politique. Politique, pas au sens de politique politicienne, politique dans un sens général, de questions qui concernent l'ensemble d'entre nous et qui concernent l'organisation de la société. Donc sous un angle qui est rarement abordé en ce qui concerne la question animale, qui est l'angle d'attaque qu'on a choisi il y a une vingtaine d'années déjà, quand on a à plusieurs fondé une revue qui s'appelle Les Cahiers antispécistes. C'est un angle d'attaque qui a une histoire, qui a des raisons. Donc ce que je vous propose, c'est d'exposer un petit peu ces raisons et en quoi la question animale est une question politique en elle-même, et ensuite de détailler un peu certaines implications politiques de la question animale en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler la politique intra-humaine. De toute façon, je pense que les deux questions, la question humaine et la question animale, ne sont pas des questions séparées. Elles ne le sont pas sur un plan moral, elles ne le sont pas sur un plan politique. Là, je vais un petit peu les séparer, sachant que la question animale, pour moi, est une question politique en soi, indépendamment de ses implications en termes de politique intra-humaine. Je ne vais sûrement pas être exhaustif, justement, en ce qui concerne ces implications-là. Je pense que je ne le pourrais pas. On ne peut pas toujours voir à l'avance les implications que peut avoir un mouvement, que peut avoir une révolution, quelle qu'elle soit. C'est simplement un peu des pistes que je veux mettre en avant, en évidence. Alors d'abord, la question animale en tant que question politique. La question animale, c'est une question qui hante l'histoire. Depuis toujours, des gens se sont posés la question de quel type de rapport il serait juste d'entretenir avec les autres animaux. Je pense qu'il y a eu un pas décisif sur la question qui a été à partir du milieu des années 70, avec la parution d'un bouquin qui s'appelle « La libération animale ». C'était à l'époque un étudiant tout à fait inconnu qui travaillait en philosophie morale et qui a décidé de travailler sur les fondements de la notion d'égalité. C'était à l'époque des luttes d'émancipation. C'était un étudiant d'origine australienne, mais qui était étudiant aux États-Unis. Et c'était en pleine époque des luttes d'émancipation humaine, des luttes de libération des femmes, luttes de libération des Noirs, luttes de libération homosexuelle. Des luttes qui faisaient souvent référence à la notion d'égalité. Et donc lui s'est posé la question, cette notion d'égalité, de quelle façon peut-elle être revendiquée? Qu'est-ce qu'elle signifie précisément? Quels sont ses fondements? Quelle est sa validité? Donc il s'est posé ce type de questions, il a assigné ces objectifs-là à ses travaux. Et il a fait une rencontre qui a été décisive, en discutant avec un ami à lui qui était végétarien pour pas tuer d'animaux. Cet ami lui a dit, mais cette notion d'égalité, pourquoi elle se restreindrait aux seuls humains? Pourquoi elle ne s'appliquerait pas également aux autres animaux? Ou alors, de quelle façon, en tout cas, en quoi elle est liée à la notion d'humanité? Et Singer a intégré ce questionnement à son travail, et donc a essayé de mobiliser pas mal de... Bon, on va travailler là-dessus, quoi. Et il a abouti à la conclusion qu'effectivement, la notion d'égalité n'est pas tenable en tant que restreinte au seul groupe des humains, et qu'elle devait être élargie à l'ensemble des êtres sensibles. Alors, il a écrit donc un bouquin ensuite, à ce propos, qui ouvre une ère nouvelle dans la réflexion sur la question animale, parce que ses conclusions sont extrêmement fortes à un niveau moral et ont des conclusions, des conséquences à un niveau politique qui sont aussi, elles aussi, extrêmement fortes, même si on n'en tire pas toujours les conséquences comme il le faudrait. Globalement, Singer s'est posé la question de quelles sont les raisons invoquées pour ne pas prendre en compte les intérêts des autres animaux, pour ne pas considérer qu'on devrait prendre en compte leurs intérêts de façon égale aux nôtres. Évidemment, la première raison qui vient à l'esprit, c'est qu'ils ne sont pas de notre espèce, ils n'appartiennent pas à l'espèce humaine. Et Singer dit que cette raison-là est une raison en fait arbitraire. Pourquoi la notion d'espèce ? Pourquoi pas n'importe quelle autre notion ? Enfin, il n'y a aucun lien logique entre l'appartenance d'espèce et la façon dont on doit traiter quelqu'un. Il dit, bah, je ne sais pas, un argument extrêmement simple. Si des extraterrestres viennent sur Terre dans leur vaisseau spatial, en quoi le fait qu'ils ne soient pas humains devrait impliquer qu'on ne prenne pas en compte leurs intérêts ? Et là, il apparaît bien que l'appartenance à l'humanité, en soi, ne peut pas être un critère suffisant. C'est un critère qui est complètement déconnecté de la question. Donc Singer argumente, il a un certain nombre d'arguments sur cette question-là, il argumente qu'effectivement, cette position n'est pas tenable. C'est une position qu'il appelle une position spéciste. Le spécisme, c'est un mot qui n'a pas été inventé par lui, qui existait déjà avant, qui n'était pas employé, qui a été inventé par un gars qui réfléchissait aussi au niveau philosophie morale, par analogie avec les mots racisme ou sexisme. Le spécisme, c'est la discrimination arbitraire fondée sur la notion d'espèce dont sont victimes les individus. Ils en sont victimes quand ils ne font pas partie de l'espèce élue ou de l'espèce supérieure, de l'espèce humaine. C'est donc une notion, dans un premier temps, qui est une notion de philosophie morale. Il s'agit d'une discrimination arbitraire, comme le racisme, comme le sexisme. De la même façon que donc, l'appartenance supposée de race, l'appartenance de sexe ne sont pas des raisons suffisantes pour discriminer des individus. De la même façon, l'appartenance d'espèce n'est pas une raison suffisante. Quand la discrimination est fondée de façon stricto sensu sur l'appartenance d'espèce, on l'appelle spécisme absolu ou spécisme sui generis. Spécisme absolu, c'est-à-dire c'est vraiment le spécisme, la notion d'espèce qui compte. Dans la pratique, à l'heure actuelle, et depuis un moment, au moins dans les débats de philosophie morale, c'est pas tant la notion d'espèce qui est invoquée comme différence, pour invoquer des différences de traitement. C'est des caractéristiques que je qualifierais d'annexes, comme la rationalité, l'intelligence, la capacité d'abstraction, la capacité à se projeter dans le futur, la capacité à nouer des relations sociales, qui sont invoquées comme étant le propre de l'humain, comme signifiant une dignité particulière de l'humain comme en découlant des droits, les droits fondamentaux qui sont les droits dont on est censé jouir. Ces qualités sont censées faire défaut aux autres animaux et justifier le fait qu'il n'ait pas de droit ou qu'en tout cas qu'on ne prenne pas en considération leurs intérêts. Et Singer s'est livré un peu au même exercice que par rapport à la notion d'égalité. Et il aboutit à la même conclusion, qui est que ces critères-là n'entretiennent pas de lien logique avec la façon dont on devrait traiter les individus. La rationalité, l'intelligence, par exemple. J'ai oublié la liberté qui est invoquée par Luc Ferry, par exemple. Ce sont des caractéristiques qui, premièrement, ne sont pas tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ce sont des caractéristiques que les humains posséderaient et que les animaux ne posséderaient pas. Il y a une gradation. Deuxièmement, ce sont des caractéristiques que tous les humains ne possèdent pas et qui, si elles devaient être prises au sérieux, devraient entraîner le fait qu'un certain nombre de catégories d'humains n'aient pas la jouissance des droits fondamentaux. Et Singer cite un cas qui est devenu un cas d'école, mais qui est l'exemple des cas marginaux, les nourrissons, par exemple. Les nourrissons à naissance ont des capacités mentales qui sont bien inférieures à un chien, un cheval et même un poulet de batterie. Mais c'est aussi le cas des handicapés mentaux profonds, c'est le cas des personnes séniles, etc. Mais surtout, l'argument fondamental, qui est le même argument que par rapport à la notion d'humain, c'est qu'on ne voit pas le lien logique qu'entretient la capacité d'abstraction, la capacité de rationalisation qu'entretient l'intelligence avec la question de comment on doit traiter quelqu'un. Dit un peu autrement, à l'heure actuelle, dans la, disons, l'idéologie morale qui est l'idéologie dominante actuelle, il est bien clair qu'il est hors de question de traiter moins bien l'idiot du village, par exemple, que le Einstein national. Il est bien clair, au moins au niveau des droits formels, qu'il n'y a aucune raison, je ne sais pas moi, si les deux ont... je sais pas, moi, une hémorragie interne, qui ça résulterait d'une discrimination arbitraire qui est injustifiable de donner des antalgiques à l'un et pas à l'autre, par exemple. Parce que la question de leur intelligence, peu importe comment on définit le terme, n'est pas en lien logique avec la question de comment on doit les traiter. Il n'y a pas de passage d'un sujet à l'autre. Ce sont donc des critères de discrimination qui sont arbitraires en ce qui concerne la question de comment on doit traiter les gens. Et ça, c'est finalement le point fondamental, c'est que ce sont des critères arbitraires. On pourrait choisir n'importe quel critère, la taille ou la longueur des oreilles ou que sais-je. La race ou le sexe, ce seraient des critères tout aussi arbitraires que ces critères-là. Donc la conclusion de Singer, c'est que la notion d'égalité, c'est en fait une notion très forte, mais c'est une notion très forte à condition, bien évidemment, qu'elle ne s'arrête pas de façon arbitraire à certaines catégories, c'est-à-dire qu'il ne s'agisse pas d'une notion d'inégalité. Que la notion d'égalité, c'est une notion très forte dans la mesure où elle s'intéresse à l'ensemble des êtres sensibles, c'est-à-dire des êtres qui sont capables d'éprouver des sensations, qui de ce fait attachent une importance à leur vie leur importe, et qui accordent une valeur à ce qu'ils éprouvent, aux expériences qu'ils vivent, et qui, du fait qu'ils sont sensibles, ont des préférences. C'est-à-dire que du fait qu'ils sont sensibles, il y a des expériences qui vont leur être, des expériences qu'ils vont rechercher, qui sont des expériences de plaisir, des expériences qu'ils vont chercher à rejeter, qui sont des expériences de déplaisir ou de douleur, et qu'ainsi, ils donnent, de fait, une valeur à ce qu'ils vivent. Et Singer dit que la notion d'égalité, c'est une notion très forte, parce que c'est une notion de prise en compte tout bonnement de la réalité, de ce qui importe pour chacun, au même titre qu'à nous-mêmes. C'est une notion très forte, parce que c'est reconnaître la réalité des autres au même titre que nous-mêmes, et c'est étendre aux autres la même considération qu'à nous-mêmes. Qu'une position inverse serait une position de négation de la réalité. Moi, je ne l'exprime pas comme ça, là, c'est reformulé par mes soins. Mais donc, la conclusion de Singer, c'est un égalitarisme, j'allais dire un égalitarisme conséquent, c'est l'égalitarisme, dans la mesure où l'égalitarisme humaniste, par exemple, qui cantonne la notion d'égalité aux seuls humains, n'est pas un égalitarisme, mais est un inégalitarisme, et anti-égalitaire, en fait. De fait, la morale commune, la morale humaniste dans laquelle on baigne, c'est une double morale. C'est une morale qui se veut égalitaire au sein de la sphère de l'espèce humaine et qui est une morale élitiste, hiérarchique, en ce qui concerne l'ensemble des êtres sensibles, qui résonne en termes élitistes et qui seulement, au sein de la sphère de l'espèce humaine, résonne en termes qui se veulent égalitaristes. Donc Singer dit, non, c'est pas possible qu'il y ait une double morale. En fait, on ne peut pas avoir comme ça un double discours. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Et donc, bon, aboutit à réaffirmer de façon beaucoup plus forte au niveau de ses fondements la notion d'égalité. La notion d'égalité, c'est une notion de philosophie morale. Donc il ne s'agit pas d'une description de la réalité. Il ne s'agit pas de dire on est tous pareils, on est tous égaux au sens de on est tous pareils. C'est une notion qui n'est pas descriptive, c'est une notion qui est prescriptive. C'est dire, nous devrions nous traiter de façon similaire, de façon égale, c'est-à-dire accorder autant de poids à nos intérêts, indépendamment de qui ces intérêts sont. Prendre un exemple concret... Je ne sais pas, mais par exemple, c'est l'histoire d'hémorragie interne. si j'ai avalé de la mort au rat ou si un rat a avalé de la mort au rat. Bon, on ne sait pas exactement, mais on peut supposer que nos souffrances sont similaires et elles sont à prendre en compte de façon similaire. Que je sois un rat ou que je sois un humain. Je trouve que je suis un humain, j'ai de la chance. Mais ce qui est intéressant donc, dans l'argumentation de Singer, et bon, en fait, c'est que il pose la question animale comme une question qui ressort des mêmes types de questionnements et des mêmes types d'analyses, des mêmes types de réflexions que les questions intra-humaines. Et il en fait une question de justice. C'est-à-dire qu'il pose la question animale en des termes universalistes. En des termes de, oui, enfin, en des termes d'égalité, de justice, etc. Qui sont des termes universalistes, c'est-à-dire qu'ils doivent s'appliquer à tout le monde, comme n'importe quelle morale universaliste qui se veut universaliste. Par exemple, les droits de l'homme, on ne considère pas que c'est une morale qui dépend de la vie de chacun, etc., et qui serait à respecter ou pas. Bon. Parce que c'est une morale qui se veut universaliste. Ça signifie que la question animale cesse d'être une question qui peut se poser aux individus librement, mais qui est une question qui ressort d'une morale qui est censée s'appliquer à tout le monde, intéresser tout le monde. Et du coup, la question animale entre dans le domaine de la politique. Alors Singer publie son livre en 1975, et ça a été l'entrée dans une ère nouvelle, dans la mesure où c'est un tabou extrêmement fort qui a été brisé avec la publication de ce livre. Et à la suite de Singer, pas mal de philosophes qui travaillaient en philosophie morale ont publié des analyses en partant d'autres points de vue que le sien. Bon, Singer était utilitariste, même si son bouquin n'est pas utilitariste, c'est quelque chose quand même qui a orienté son point de vue. Il y a des gens qui ont travaillé sur la question à partir de l'idée de droit, de l'idée de personne, de l'idée de moralité commune. Enfin, il y a pas mal de points de vue de départ au niveau philosophie morale qui étaient assez différents. Et des chercheurs qui ont abouti aux mêmes conclusions. C'est-à-dire qu'ils inévitablement ont abouti à la conclusion que le spécisme absolu, c'est-à-dire la discrimination fondée sur l'espèce, et tout particulièrement sur l'appartenance à l'espèce humaine, n'était pas défendable, et ensuite qui aboutissent à des conclusions relativement proches de celles de Singer sur le fait qu'il faut prendre en compte les intérêts des autres animaux et les prendre en compte, dans la plupart des cas, de façon similaire aux nôtres propres. Alors, bon, ce sont des travaux qui sont très peu connus en France. Il y a une résistance très forte dans notre pays particulièrement... sur ces questions-là. C'est des travaux qui font autorité dans l'ensemble du monde anglo-saxon et dans pas mal d'autres pays. À l'heure actuelle, sont les positions spécistes qui sont sur la défensive au niveau théorique. Je parle toujours de philosophie morale, là. Ce sont des positions... Les partisans du fait de ne pas prendre en compte les intérêts des autres animaux ont du mal, en fait, à contrer les arguments qui leur sont opposés, quoi. Ce qui fait qu'à la suite de Singer, il y a un mouvement qui est né au niveau mondial, qui s'est développé de façon inégale suivant les pays, et avec beaucoup de retard en France, qui est un mouvement qui, à la suite du mouvement animaliste précédent, qui rompt d'une certaine façon avec le mouvement animaliste tel qu'il existait avant, et qui affirme des idées très fortes, comme l'idée d'égalité, et qui revendique notamment des droits fondamentaux pour les autres animaux. Très souvent, il y a plein d'écoles, là encore. Très souvent, ces droits sont des droits fondamentaux à ne pas être tué ni torturé, à ne pas être enfermé. À ne pas être exploité, etc. Donc, irruption de la question animale dans le champ politique, du fait que cette question animale ressortit des mêmes approches que les grandes questions intra-humaines. C'est les mêmes types de questionnements que les questionnements par rapport aux discriminations racistes ou sexistes. Et c'est les mêmes types de réponses à un niveau moral, en termes de morale universaliste. Voilà, pour faire vite. Donc, là encore, pour faire vite, les changements que ça a entraînés, notamment par rapport à la situation avant, qui existait avant par rapport à la question animale, c'est que la plupart des organisations qui se battaient sur la question animale avant les années 70 se battaient sur des points précis, par rapport à des animaux précis ou des pratiques précises, sans avoir un discours global touchant l'ensemble de la question animale. Elles se polarisaient sur des types d'animaux particuliers comme les animaux de compagnie, les chiens, les chats, des animaux censés être nobles comme les chevaux, sur des types de pratiques qu'elles combattaient, qui étaient des types de pratiques en général qui étaient circonscrits dans la vie sociale, qui n'étaient pas au cœur de la vie sociale. Je sais qu'il y avait déjà une opposition très forte à la corrida, par exemple. Sur le motif que c'est des actes de cruauté commis en public, une opposition très forte à la vivisection, avec des arguments très souvent qui étaient à l'époque, les tracts par exemple, c'était très souvent des tracts qui montraient des images horribles de torture d'animaux, mais le discours était tout entier un discours humaniste, c'est-à-dire la vivisection c'est une fraude scientifique, c'est nuisible à notre santé, c'est un détournement des fonds publics, enfin que sais-je, des arguments comme ça, qui est des arguments qui s'adressaient en fait à notre humanisme, c'est-à-dire des arguments qui s'intéressaient aux questions humaines en fait. Et là, le nouveau mouvement qui naît après ces interrogations en philosophie morale, c'est un mouvement qui va s'intéresser prioritairement aux animaux de rente, aux animaux de boucherie et aux poissons, et encore ça s'appelle à venir, parce que ce sont les plus nombreux, parce que ce sont des êtres sensibles au même titre que les autres, et parce que ce sont les plus nombreux. En France, chaque année, partent à l'abattoir 1 milliard 200 millions d'animaux vertébrés terrestres, rien qu'en France. C'est sans doute plus d'une centaine de milliards de poissons qui sont tués chaque année dans ces abattoirs flottants que sont les bateaux de pêche ou dans les élevages de poissons. Sans doute 99,99% des animaux qui sont victimes des activités humaines sont des animaux qui sont destinés à notre consommation. C'est énorme. C'est-à-dire que là, les chiffres que je vous donne, en comparaison, en France, on je ne sais plus les chiffres exacts, mais on doit utiliser entre 3 et 6 millions d'animaux pour la recherche, ce qu'on appelle la dissection, l'expérimentation animale, ce qui est un chiffre énorme, mais qui est un chiffre dérisoire par rapport au nombre d'animaux concernés par notre consommation. Les violences faites aux animaux domestiques, ça concerne un nombre énorme d'animaux domestiques. Mais c'est un nombre d'animaux qui est dérisoire par rapport au nombre d'animaux qui sont victimes de notre consommation. C'est des animaux qui vivent dans des conditions qui ont toujours été assez terribles au cours de l'histoire, mais qui ont empiré à partir des années 1950. D'abord, leur nombre a enflé de façon phénoménale, mais en plus, leurs conditions de vie sont devenues absolument monstrueuses avec l'industrie, en fait, l'industrie des productions animales, c'est les élevages en batterie, c'est l'industrialisation de la mort, etc., quoi. C'est les transports, c'est la généralisation des mutilations, etc., qui est une nécessité du fait de leurs conditions de vie en promiscuité. Donc le nouveau mouvement s'est vraiment polarisé sur sur ces animaux de rente ou animaux de boucherie ou animaux pêchés, ce qui était vraiment un fait nouveau par rapport à l'ancien mouvement animaliste. Et surtout, il argue de raisons qui sont des raisons universalistes, qui étaient des raisons qui n'étaient pas utilisées avant. Alors je pense que c'est très important ce caractère universaliste, c'est-à-dire que c'est pour les mêmes raisons qu'on se bat sur la question animale qu'on se bat sur les questions humaines. C'est-à-dire que moi, effectivement, moi, dans la présentation qui m'a été faite, je suis engagé sur pas mal de fronts de lutte, et pas mal de fronts de lutte que j'appelle intra-humains. Mais c'est pour les mêmes raisons que je suis engagé sur ces fronts de lutte et que je suis engagé sur le front de lutte de la question animale. Je me bats pas contre les dominations qui sont exercées envers des humains parce que les humains auraient une dignité particulière qui leur conférerait des droits particuliers, mais parce que les humains, vous ou moi, on est des êtres sensibles qui éprouvons notre vie, qui attachons du prix à notre vie, qui souffrons des douleurs qui nous sommes infligées, ou des humiliations, ou des terreurs, etc. Et c'est pour exactement pour les mêmes raisons que je me bats contre les élevages et les captures et les meurtres dont sont victimes les animaux. Donc la question animale, à ce titre-là, c'est une question politique, au même titre que les questions des discriminations et exploitations intra-humaines, et pour les mêmes raisons. Et je pense que c'est une question politique cruciale, en premier lieu par rapport aux animaux eux-mêmes, du fait de leur nombre incommensurable. Chaque année, rien qu'en France, on doit tuer plus d'animaux, là je compte tout particulièrement les poissons, qui a jamais existé d'humains sur Terre. Et ce sont des animaux qui vivent dans des conditions qui sont terrifiantes et qui sont tué dans des conditions non plus qu'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi. Donc ça en fait pour moi une question morale qu'une question fondamentale, une question extrêmement urgente, extrêmement importante. Ensuite, la question animale, je pense que c'est une question politique aussi par rapport aux questions intra-humaines. Alors, je vous ai parlé du spécisme en le définissant comme discrimination arbitraire fondée sur la notion d'espèce. Il y a un autre sens du mot spécisme qui est un sens politique, où le spécisme, c'est l'idéologie qui, c'est une idéologie globale qui permet, qui rend acceptable dans nos esprits, dans notre imaginaire, les souffrances qu'on inflige aux autres animaux, la domination qu'on exerce à leur encontre, l'exploitation qu'ils subissent de notre fait. Le spécisme, à ce niveau-là, ça a aussi une dimension politique. Alors, je vais essayer de pas d'être court là-dessus, mais de fait, en essayant d'analyser cette idéologie-là, on s'est aperçu qu'elle entretient des liens très forts avec des idéologies de discrimination intra-humaine, comme le racisme ou le sexisme. Dans notre civilisation, mais dans notre civilisation depuis très longtemps, ça date de plus de 2000 ans, ça date des formulations par Aristote, il y a une coupure qui a été exercée entre, pour faire vite, l'humanité d'un côté, la nature de l'autre. Et systématiquement, les dominés sont relégués dans la case nature et les dominants dans la case humanité. La case nature se définit par l'appartenance à une totalité ordonnée. La nature, qu'on voit comme... c'est des notions que je récuse, hein. Je ne suis pas d'accord avec cette vision du monde. Mais les êtres dominés sont censés ressortir de la nature, être fonctionnels par rapport à un ordre naturel, ne pas être individualisés, mettre des spécimens de catégories naturelles, dont ils sont des sortes d'incarnations particulières. Mais par exemple, par rapport aux femmes, c'est l'éternel féminin. Chaque femme est censée être une sorte de spécimen vaguement individualisé de l'éternel féminin. Les discours racistes, quand le racisme battait son plein, c'était le noir est comme ci, est comme ça, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une essence du noir, dont chaque noir était une sorte d'incarnation particulière, mais une incarnation dont la particularité était très réduite. Grosso modo, il exprimait les caractéristiques de son essence, de sa race, précisément, qui était une nature spécifique. À chaque fois, c'est une façon de voir les dominés qui les privent de leur subjectivité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des êtres individuels qui poursuivent un bien propre, leurs propres objectifs, mais ce sont des êtres qui sont au service, je parlais de fonctionnalité, qui sont au service d'autres choses, qui sont des sortes de rouages de l'ordre naturel. Alors, les Noirs, par exemple, les discours étaient extrêmement explicites, c'était des corps vigoureux, mais avec une petite tête bien insuffisante pour se gouverner eux-mêmes. Il était donc naturel que les Blancs, qui eux avaient une tête bien développée, les utilisent à leur profit, c'est-à-dire à leur profit, à la fois à leur profit de Blanc et à la fois au profit, c'était profitable aux Noirs eux-mêmes, bien sûr. Les femmes, elles, sont fonctionnelles par rapport à la reproduction. Elles étaient censées être tout entières dédiées à la reproduction. On disait « tota mulier in utero », toute la femme tient dans son utérus, par exemple. Et bon, il y a eu énormément de variations au niveau dans les discours des psychologues, etc., sur ces questions-là. Mais c'était une réduction des femmes à des êtres au service de la procréation, c'est-à-dire des êtres de nature au sein de l'espèce humaine, dont la subjectivité elle-même était dépendante de leurs fonctions reproductives, quoi. Les femmes sont douces, aimantes, parce qu'elles elles assurent la reproduction de l'espèce et qu'il faut qu'elles s'occupent des petits. Elles ont tendance à rester au foyer parce que pareil, elles cherchent à être protégées parce que pareil, etc. Enfin bon, toute une idéologie, l'idéologie sexiste, qui est en fait une naturalisation. Je propose de continuer et puis qu'ensuite il y ait des discussions. Tu voulais intervenir, hein, c'est ça ? Ah, parce que mon expérience des débats, c'est que si je suis interrompu, après, j'ai du mal à retrouver le fil de mon... Et le spécisme, c'est l'idéologie dans laquelle on baigne, qui veut que les animaux soient des spécimens de leur espèce. Ils sont définis par leur espèce est leur essence. Ils n'ont d'individualité qu'extrêmement limitée, c'est-à-dire qu'en tant que spécimen. De fait, ils sont programmés pour être ceci ou cela au sein d'un ordre naturel. Ils sont agis par leurs instincts. Ils n'ont donc pas de subjectivité propre. Ils n'ont pas d'intérêt propre. Ils n'ont pas d'intériorité. Et on a une idéologie qui est extrêmement parallèle donc aux idéologies racistes et sexistes. Et par contre, les dominants, eux, se posent comme émergents de l'ordre naturel, qui est donc un ordre figé, un ordre où chaque chose a sa place, etc., un ordre du déterminisme. Et les dominants, eux, se posent systématiquement comme des êtres ayant émergé de la nature et étant des êtres libres qui construisent leur vie, qui construisent leur histoire, qui ne sont pas déterminés, qui sont l'universel quand les autres sont le particulier. Par exemple, les hommes se sont longtemps vus et se voient encore comme l'universel et voient les femmes comme le particulier. Les femmes ont une nature spécifique qui est une nature féminine. Les hommes, eux, ont une nature qui est de type universel, qui rejoint l'humain. Les Blancs ont tenu des discours qui étaient du même ordre. Les Blancs étaient... des êtres de civilisation, c'est-à-dire de liberté et d'histoire, quand les Noirs, eux, étaient trop étroitement tenus par leur nature spécifique de Noir, par leur pulsion corporelle, etc., etc., pour pouvoir vraiment émerger à la liberté. Et de la même façon, donc, on a, pour le rapport humain-animaux, un discours qui est du même ordre. L'humanité est le règne de la liberté, de la subjectivité, de l'histoire, de la culture, de la civilisation, et l'animalité est le règne donc du déterminisme des instincts, du piétinement sur place dans l'évolution, de la non-individualité, de la fonctionnalité, etc. Enfin, je me répète un peu, mais... Et donc, la critique qui a été entamée par le mouvement de refus du spécisme, ou le mouvement pour l'égalité animale, la critique de l'idéologie spéciste, est une critique qui a porté énormément sur l'idée de nature, l'idée qu'il existe un ordre naturel, que le monde peut s'exprimer en tant qu'ordre, que les choses soient censées être à leur place, qu'on puisse raisonner en termes d'inférieur ou de supérieur, d'essence, C'est-à-dire que les choses aient une essence aussi, aient une nature particulière. C'est la critique de l'idée qu'il existerait des natures qui seraient des natures emprisonnantes, des sortes d'essences qui seraient actives en chaque individu et qui s'exprimeraient dans les individus et qui conditionneraient ce que sont les individus. C'est une critique qui est aussi de nature philosophique, qui rejoint une critique qui est en fait assez ancienne aussi dans la philosophie occidentale, mais qui n'avait jamais vraiment trouvé de sortie politique, on va dire, ou alors qu'il l'avait trouvé de façon limitée. C'est-à-dire que les luttes contre le racisme ont été des luttes de critique de l'idée de nature qu'est l'idée de race. Parce que l'idée de race, c'est pas l'idée d'une variété vaguement héréditaire de tel ou tel trait physiologique. C'est l'idée qu'il existe une nature de blanc, qu'il existe une nature de noir, ou une nature d'arabe, etc. etc. C'est une idée de nature. L'idée, le sexisme, c'est l'idée qu'il existe des natures associées au sexe. C'est-à-dire que le sexe, ce n'est pas une caractéristique qu'on a, comme la couleur des cheveux, ou des yeux, ou la longueur des oreilles, ou que sais-je, ou la hauteur, ou la taille, ou le poids. C'est une caractéristique qui a été naturalisée, on en a fait une essence. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, individu, j'ai tel ou tel sexe morphologique, c'est je suis de tel ou tel sexe, j'appartiens à tel ou tel sexe. Mon sexe n'est plus ma propriété, c'est moi qui deviens membre d'une catégorie qui est définie par mon sexe, qui est une nature. C'est-à-dire que du fait que j'ai un sexe mâle, je suis censé être un homme, c'est-à-dire être de nature masculine. Et cette histoire de nature masculine, c'est censé être descriptif, c'est-à-dire que c'est censé décrire comme je suis censé être entreprenant, je sais pas quoi, courageux, que sais-je. Et en fait, c'est bien évidemment prescriptif. Je suis censé, dans une certaine mesure, tenir mon rôle et coller à ces prescriptions-là. Donc il y a cette critique de l'idée de nature, elle a été menée dans une certaine mesure par les mouvements antiracistes, elle a été menée et beaucoup approfondie dans les mouvements féministes, c'est-à-dire que la critique des natures féminines et masculines a été menée vraiment de façon très approfondie, mais ça restait dans un cadre humaniste qui est que globalement, ça revenait à faire rentrer les catégories de race ou les catégories de sexe dans la catégorie humaine, qui elle, de toute façon, était censé être une catégorie hors nature. Les humains ont pour nature de ne pas avoir de nature, c'est bien connu, alors que les autres animaux ont pour nature d'avoir des natures spécifiques, des natures particulières, des natures qui les emprisonnent dans un être particulier, quoi. Et donc la critique antispéciste, la critique qu'a pu mener le mouvement pour l'égalité animale, c'est une critique qui critique aussi cette distinction humanité-nature et qui dit mais en fait les animaux sont aussi des êtres de liberté, nécessairement du fait qu'ils éprouvent des sensations, ils ont à faire des choix en permanence dans leur vie, entre fuir un danger et trouver à manger par exemple, ou des trucs comme ça. Ils ne les font pas de la même façon que nous et ils n'ont peut-être pas le même spectre de liberté, etc. Mais on ne peut pas dire que ce sont des êtres déterminés au sens strict de la façon dont on le disait avant. Et cette distinction entre humanité et nature est une distinction qui ne tient pas la route d'un point de vue conceptuel. Et en fait, en faisant cette critique-là, en la portant sur l'idée de nature elle-même et l'idée d'ordre naturel lui-même, ce sont les fondements mêmes des idéologies racistes, sexistes, et il y en a d'autres malheureusement, il y a pas mal de discriminations qui sont naturalisées, qui voient leur fondement s'écrouler, quoi. Donc ça, c'est une répercussion très forte, potentielle, parce qu'à l'heure actuelle, le discours critique antispéciste perce mal, mais en tout cas, c'est une répercussion très forte, potentielle, du discours pour l'égalité animale. Donc, la critique du naturalisme, la critique qui aurait deux mondes séparés par une frontière, qui est l'humanité et la nature. De fait, hein, à chaque fois qu'il y a eu des grosses offensives contre des groupes dominés, ces groupes-là ont été rangés dans la case nature, pas des groupes humains, hein, je parle. ils ont été rangés dans la case nature et ils ont été animalisés, comme on dit, pour mieux être détruits. Sauf que les animaux eux-mêmes sont animalisés. Eux-mêmes sont victimes de la même opération de naturalisation. Quand on dit tel ou tel groupe humain a été animalisé pour être détruit, on a l'impression simplement qu'on on les a indûment qualifiés d'animaux. Mais en fait, il n'y a pas les animaux existant comme ça. On n'a pas une vision d'emblée correcte des animaux. C'est-à-dire que les animaux eux-mêmes sont victimes de la même opération d'animalisation, c'est-à-dire de naturalisation. Donc ça, c'est quelque chose que remet en question le mouvement pour l'égalité animale. Je pense que c'est quelque chose qui est assez fondamental au niveau politique. Ensuite, d'autres répercussions, à mon avis, qui sont très importantes, c'est au niveau de l'éthique et de la place de l'éthique dans nos vies. Le mouvement de lutte pour la question animale a mis l'accent de façon très très forte sur les questions morales. De toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. C'est pas par corporatisme qu'on se bat pour les animaux. Ce sont les intérêts d'un poulet en batterie ou d'un rat dératisé, ne sont pas nos intérêts. C'est-à-dire quand on se bat pour la question animale, on ne se bat pas directement pour nos intérêts, même si on peut trouver plein d'intérêts annexes, personnels, à le faire. Là, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, on se bat nécessairement pour les intérêts des autres. C'est-à-dire qu'on a nécessairement, si on veut s'adresser aux autres, un discours qui est un discours de type éthique. Et le mouvement de remise en question de l'exploitation des animaux, c'est un mouvement donc qui place l'éthique au cœur de son action politique et qui place le discours moral donc au cœur de son action politique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, si ce mouvement prend de l'importance, peut avoir des répercussions très grandes et, à mon avis, très heureuses. Placer les exigences de justice et d'égalité, les replacer à nouveau, parce que ça a été le cas au XIXe siècle à une époque, au cœur de l'action politique, à la place notamment le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, c'était des... Bon, au lieu de se battre pour des intérêts particuliers, quoi, se battre pour des intérêts universels, enfin pour la prise en compte des intérêts de tous. Pour des intérêts non corporatistes, je pense que c'est une révolution qu'il faut mener, qui est vraiment urgente. Et le mouvement pour l'égalité animale est à mon avis un des mouvements qui est le plus actif dans ce sens. Ensuite, l'éthique qui est promue par le mouvement d'égalité animale, c'est une éthique bien particulière qui rompt avec les éthiques précédentes, en ce sens que ce n'est plus une éthique qui fait appel à des entités métaphysiques, à des entités autonomisées. Je pense à Dieu, ou à nature, ou à la nation, ou à l'humanité, pour s'affirmer, mais qui affirme tout bonnement l'importance des intérêts concrets, des individus réels, concrets. C'est-à-dire qui quitte le ciel des valeurs métaphysiques pour se pencher vers ce qui, à mon avis, compte vraiment, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire ce qu'on vit de façon concrète, quoi. Et ça, je pense que c'est fondamental. On pourrait le dire autrement, c'est qu'on cesse de raisonner en termes d'appartenance au niveau moral et on s'attache aux caractéristiques réelles des individus réels. C'est-à-dire que toutes les morales sociales qui ont existé jusqu'à présent étaient des morales liées à l'appartenance. Pour les Grecs, c'était la citoyenneté, les Grecs de l'Antiquité grecque, c'était la citoyenneté qui comptait, c'est-à-dire l'appartenance à la cité, c'était elle qui donnait des droits. C'était aussi la virilité, c'est-à-dire l'appartenance au groupe des hommes qui conférait des droits. À chaque fois, c'était des appartenances. Sous l'ère chrétienne, c'était l'appartenance à la chrétienté, c'est-à-dire à l'ensemble des chrétiens qui conférait des droits. Dans les régimes nationaux, c'est l'appartenance à une nation. C'est la nationalité qui confère des droits. À chaque fois, ce sont des appartenances et non pas les caractéristiques réelles des individus, leurs intérêts réels, en fonction desquels on réagit. Et l'humanisme aussi est une position morale qui lie la possession de droits. On peut raisonner autrement qu'en termes de droits. Moi, je ne raisonne pas trop en termes de droits, mais qui lie, disons, la considération des intérêts des uns ou des autres à l'appartenance à une catégorie, qui est, dans ce cas-là, l'espèce. Et donc, le mouvement pour l'égalité animale, il ne remplace pas la catégorie humaine par la catégorie animale. Ils disent que ce qui compte, ce sont les individus, leurs intérêts réels, qui doivent être pris en compte, quoi. De fait, on ne sait pas exactement quels sont les individus sensibles. À l'heure actuelle, on ne sait pas déterminer parmi l'ensemble des êtres qui peuplent la Terre lesquels sont sensibles ou pas, quoi. Vraisemblablement, il y a certains animaux qui ne sont pas sensibles, comme les éponges, par exemple. Les éponges sont des êtres qui font partie du règne animal. Les méduses aussi sont très vraisemblablement des êtres qui n'éprouvent pas de sensations et de fait qui n'ont pas d'intérêt à défendre. Donc il ne s'agit pas de remplacer l'humanité par l'animalité en tant que groupe d'appartenance. Il s'agit de faire attention aux individus en fonction de leurs intérêts propres. Et ça, je pense que c'est une révolution qui est énorme, parce que là encore, c'est quitter la considération d'entité abstraite, ces entités d'appartenance, la virilité, la virilité, la citoyenneté, la nationalité, l'humanité, etc., pour se focaliser sur la réalité concrète qui est ce que sont les individus. Et ensuite, il s'agit donc d'une éthique universaliste, c'est-à-dire c'est une éthique qui considère qu'il y a un seul monde, qu'on ne peut pas diviser dans ce monde, et que l'ensemble des êtres qui ont des intérêts à défendre doivent voir donc leurs intérêts défendus, pris en compte. Et je pense que là encore, c'est extrêmement important, je pense qu'il s'agit d'un vrai universel, par opposition au faux universel dans lesquels on vit... dans nos civilisations. Alors quand je parle de faux universel, ça peut-être paraître bizarre, mais depuis la Révolution française, enfin le siècle des Lumières, la politique se fait au nom de l'universel, de l'universalisme. Et en fait, avec les luttes de décolonisation et les luttes de libération des femmes, on sait notamment, parce qu'il y en a eu d'autres, on s'est aperçu que l'universel proclamé et prôné par les Lumières était un faux universel. Quand on parlait du suffrage universel qui a été obtenu, je ne sais plus quand, on s'est aperçu qu'en fait, ce suffrage universel, il ne comprenait pas les femmes. Ce n'était pas un suffrage universel. C'était un suffrage universel uniquement dans la mesure où les hommes incarnaient, c'est-à-dire les humains adultes, blancs, mâles, riches, incarnaient l'universel. Mais cet universel-là était un faux universel qui ne comprenait pas des catégories entières d'humains. Aimé Césaire dans, je ne sais plus, comment ça s'appelle, Lettre du pays natal, a très bien montré à quel point l'universel humaniste était un universel qui excluait l'ensemble des peuples colonisés. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on peut dire que l'universel dans lequel on baigne, c'est un faux universel. L'universel dans lequel on baigne, c'est l'humanité. L'humanité, on va parler de la condition humaine comme étant justement la condition universelle, la condition... Eh bien non, en fait, il y a plein d'autres conditions que la condition humaine. Et la condition humaine, ce n'est pas un universel. C'est une condition particulière, qui est importante évidemment, mais qui n'est pas l'universel. Et il faut cesser de raisonner en termes d'universel par rapport à la question humaine, quoi. Et je pense que là encore, il s'agit d'une révolution dans notre façon de percevoir le monde, de concevoir le monde, de concevoir la politique, qui est de la même portée que celle qu'ont commencé à apporter les mouvements d'émancipation des peuples colonisés ou des femmes, etc., quoi. Qu'est-ce que je veux, papa ? Oui, voilà, à peu près. Mais non, j'aurais plein de choses, d'autres choses à dire, mais peut-être je vais m'arrêter là et puis on peut discuter. Je pourrais peut-être affiner aussi des points de vue ou des choses que j'ai dites. Mais donc, ça pour dire, oui, que je pense que la question animale, c'est une question qui est nouvelle, dont on est loin d'avoir exploré toutes les implications au niveau philosophique et politique et compagnie, mais qui ouvre énormément de possibilités de changements de fond dans notre civilisation, et à mon avis, des changements qui seraient plus que bienvenus. D'abord, pour les animaux eux-mêmes, je pense que c'est vraiment la grande priorité éthique et politique. C'est-à-dire que la question animale vaut pour elle-même et elle a une valeur énorme du fait, ben, comme je l'ai dit, hein, du nombre des individus concernés et des souffrances qu'ils endurent. Donc, aucun argument, je pense, ne permet de considérer qu'ils sont moins importants que les nôtres propres. Mais cette question animale aussi peut avoir des répercussions donc sur ce que j'appelle le champ intra-humain, qui peuvent être assez fondamentales. Voilà, ben, je clôt là-dessus.